Bien, j'espère que vous avez énormément de questions à nous poser ce soir parce qu'on n'en a pas reçu beaucoup, mais on va compter sur vous, les gens qui sont ici avec nous ce soir dans le chat pour nous demander des questions. J'espère qu'elles ne sont pas trop dures, mais bon, on va essayer d'y répondre. Avec moi ce soir, Alexis Cornelier. Salut Alexis. Bonjour Bernard, ça va bien? Ça va bien, toi? Si. Nouvel angle de caméra pour ce soir. Est-ce que là, d'habitude, je chute plus haut? En plongeant. Là, j'ai décidé de montrer mon quadruple menton, fait que je fais un angle d'en bas là, à la The Avengers. Super. Et de retour ce soir, après un petit congé d'une semaine, on a Vincent Miller. Bonjour, bonjour. Ça va? Ça va bien, toi? Présentement, on ne te voit pas, là, mais... Non, c'est ça. On repart sur le même là, que j'ai mes pantalons enlevés. Là, OK. J'ai décidé comme JF que j'ai enlevé mes pantalons. Et on n'est pas au même endroit pour le spécifier. Ah, OK. Oui, c'est vrai, on est tous, chacun à la maison, dans des lieux pas très rapprochés. Les explications, souvent, c'est une question qui nous est posée, mais les gens nous disent « Ah, pourquoi vous utilisez une plateforme ça me dérange pas, Flash? » Je suis pas là seul. Là. Ben, Vincent étant à Trois-Rivières, toi, ça arrive sud, Jean-François à Montréal... C'est à peu près le seul moyen qu'on a si on veut pas gaspiller une quantité incroyable d'essence, puis peut-être avoir plus de difficultés à faire le show parce qu'on serait pas capable de se rencontrer. Donc, on aurait des horaires qui seraient moins fiables pour le podcast. Fait que c'est pour ça. Et une plateforme HTML5, on a regardé pour en faire une, on a regardé pour en trouver une, puis à date, on n'a rien trouvé. Les spécialistes à qui on a parlé, en fait, doutent que ça va arriver dans les prochains mois. Fait que... Pour l'instant, c'est soit ça. On a essayé Hangout aussi, mais il y a des petits problèmes avec Hangout aussi. Ben, on travaille sur d'autres choses aussi. Peut-être qu'avec les dons, on va pouvoir s'acheter une licence de Wirecast. Ah ben oui, ça sera diffusé sur Ustream ou Livestream ou peu importe la plateforme. Le problème, si on pourrait diffuser en HTML5, par contre, on pourrait seulement avec les 22 personnes qui sont là en ce moment. Maximum. Parce ouais. que si on diffuse à 500 personnes, à moins d'avoir 100 mégabits in et out, là, on pourrait pas, malheureusement. Là. Exactement. Est-ce que tout le monde nous entend bien dans le chat? Parce que souvent, on sait, là, on commence le show, on a des petits problèmes de son, on nous a dit qu'on grichait, mais sinon, tout est beau. On a pris un petit peu plus de temps à régler nos problèmes. Tout allait bien à 5 minutes avant, puis tout d'un coup, on a eu des voix de robots qui se sont apparues. C'est pour ça qu'on a retardé un petit peu le début du show. On a tout redémarré chacun de notre côté, et maintenant, ça fonctionne. J'espère bien que ça va rester tout le long du show. Alors, on va débuter, messieurs, par peut-être une question qui nous vient par courriel. Attends, peut-être avant, vu que Vincent est avec nous et qu'il n'était pas là la dernière fois, Vincent, tu veux-tu faire un petit update sur l'application Mac Québec? Oui, il y a 2 semaines, je crois, à peu près, on a fait une mise à jour de l'application pour l'écran 4 pouces. Je ne sais pas si vous en avez parlé au dernier show, mais c'est ça, l'application est sortie. Il n'y a rien de changé à part l'écran de 4 pouces. Donc, pour ceux qui ont un iPhone 5... C'est plus pratique, c'est plus intéressant. Puis on travaille sur une version, puis je suis fier, je suis très content de travailler sur ça. J'ai travaillé sur l'interface article dans l'application, puis ça donne de très bons résultats à date. Là, fait que on a hâte de vous présenter ça. Ça va être dans les prochains mois. Puis à la demande générale, ça va être une application universelle, donc iPhone et iPad. Vous ne serez pas obligé d'avoir 2 applications non plus. Donc c'est ça. 50% les gens qui n'ont pas d'iPad s'en sacrent un peu qu'elle soit universelle. C'est ça, oui. Ben, elle va être universelle pour que M. Ducharme ne puisse pas être obligé de télécharger 2 applications, mais une seulement. Juste avant de commencer les questions, Bernard, tu peux peut-être expliquer en fait pour les nouveaux qui se joindraient à nous, qu'est-ce que les amateurs de Mac Bonsoir? Les amateurs de Mac Bonsoir, c'est comme une ligne ouverte où on répond à vos questions concernant le monde d'Apple, donc tout ce qui est produits matériels, donc ordinateurs, produits, accessoires d'Apple, et également au niveau des logiciels, mais aussi des logiciels tiers ou des produits tiers, mais qui touchent en fait à tout ce qui est Apple. Donc, on répond à vos questions, que ce soit via le email, Twitter, Mac Entraide, bientôt une ligne de téléphone, peut-être une ligne en direct, sait-on jamais, ou pas, vous mettre par Skype, si ça, va faire, si ça fonctionne et que ça ne plante pas. Donc, il y aura plein de moyens de nous rejoindre, mais pour l'instant, c'est par Twitter, Mac Entraide, Facebook, au niveau courriel et ici même quand on diffuse le soir même de l'émission, bien vous pouvez nous rejoindre. Il y a le petit bouton Submit Question qui est juste en bas si vous avez une question à poser, et les gens poseront des questions se voient remerciés de leurs questions. Donc cette semaine on a 6 licences Plex à donner aux gens qui poseront des questions en ligne, et j'ai un cadeau tout spécial qui est offert. Si vous êtes un peu sur Twitter, vous avez sûrement dû remarquer l'artiste graphique Miss Pixel, Miss Pixel avec un S qui est sur Twitter. C'est une charmante jeune fille qui a décidé de faire appel à mes services il y a quelques et des services de pas de tes affaires, trop jeune pour il nous offre en fait un truc qu'elle vend au Musée d'art contemporain. Donc, c'est transparent, fait qu'on voit pas super bien. Je vais essayer de m'approcher. Donc, c'est une espèce de porte-clés en plexiglas. Et c'est un hashtag avec le mot arts. J'ai le mot love et j'ai le mot hello. Donc, je sais pas si on voit bien à la caméra. Ouais, hashtag art. Hashtag. Donc, c'est quelque chose en métal. Et on en a 3 données. Donc, elle a dit, tiens, tu donneras ça à tes auditeurs des amateurs de Mac Bonsoir. Donc, les gens qui poseront des questions ce soir, et comme Bernard disait, on espère que vous en poserez parce qu'on n'en a pas eu beaucoup sur les serveurs, les différentes plateformes. Sur les serveurs, oui. On n'a pas eu beaucoup de questions sur les serveurs, hein? Non. J'ai vu des questions sur les Mac, ça parle, mais sur les serveurs, non, j'ai pas vu ça. En tout cas. On va commencer avec une première question. Oui. Alors, on va prendre une question qui a été posée sur Mac Québec Entraide. Qu'est-ce que Mac Québec Entraide? C'est un site où vous pouvez aller poser vos questions, et si vous avez la réponse, bien, vous allez répondre à d'autres personnes. Donc, c'est l'idée de l'entraide. Et c'est un petit peu comme une version améliorée de Yahoo Answers, si on prend ça grossièrement. Donc, la question vient de Jocelyne Charité. Et elle dit ceci: j'ai trouvé l'application TouchMouse sur le web et qu'elle a peut-être été dans le iTunes Store français, peut-être. En fait, c'est la seule compatible avec iOS 4.1 que j'ai trouvée. Je tiens à la télécharger. Y a-t-il une façon de la récupérer de l'App Store français pour qu'elle soit fonctionnelle sur mon compte canadien? En fait, il n'y a pas réellement de façon de le récupérer du store français pour l'amener sur le store canadien. Il y aurait une possibilité pour elle, un peu comme ça nous arrive des fois d'ouvrir un compte américain, d'ouvrir un compte français. Par contre, ça devient quelque chose qui est probablement relativement technique. Dans un premier temps, ouais. S'il vérifie l'adresse IP dans laquelle vous êtes, mais s'il le vérifie, il va falloir utiliser un proxy ou un service similaire. Et dans un deuxième temps, il va falloir ouvrir un compte français pour récupérer l'application. Donc, je ne sais pas si TouchMouse, parce qu'elle donne le lien, est-ce que cette application-là est gratuite? Il faudrait que j'aille voir si... Est-ce que l'application est gratuite? Il me semble que oui. Oui, elle est gratuite, l'application. gratuite. C'est une application qui est faite par Logitech. Donc, probablement que tout ce qu'il faudrait faire, c'est dans un premier temps demander à son iTunes de changer de pays pour le pays français. Dans un deuxième temps, ben, suivre le lien de son application qu'elle a, qui devrait ouvrir à ce moment-là dans le store français, dans son iTunes. Va décider de télécharger l'application qui est gratuite, ben on va lui dire OK, rentre tes informations. Elle va pouvoir probablement à partir de là créer un compte français gratuit. Et c'est seulement à ces moments-là en fait que la petite option de aucune carte de crédit s'affiche pour créer les comptes. Donc ça, ce qui complexifie la chose, c'est que votre iTunes va faire une vérification s'il y a une mise à jour de cette application-là. Il va vous dire oui, il y a une mise à jour, mais il va falloir vous switchez manuellement de store entre le canadien et le français. Il est disponible aussi dans le store américain, mais il n'est pas effectivement dans le store canadien. Essentiellement, ce que je regarde, c'est une espèce d'application qui simule un trackpad, finalement. Effectivement. Il y en a plusieurs et pour une raison que j'ignore, en fait, Jocelyne nous dit qu'elle le veut parce qu'elle a la version 4.1 du système d'exploitation. Est-ce qu'elle a un iPod Touch de première génération qui ne peut pas se mettre à jour plus haut que ça? C'est possible. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle l'obsolescence programmée. Là. Donc, le fait qu'on ait des logiciels. D'ailleurs, quelqu'un me faisait remarquer cette semaine, il n'y a pas possibilité de... Il n'y a pas possibilité, tu sais, quand tu vas dans le store et que tu dis OK, j'ai des mises à jour, mettons, tu vas dans le store, j'ai des mises à jour. Mettons que ton iPad n'est plus capable de se mettre à jour et que tu es pogné à iOS 5. Mettons, là, tu sais, iPad de deuxième génération ou première génération n'est pas capable d'aller à iOS 6. Mm. Mais là, quand tu vas dans le store, lui, il te dit ben j'ai une mise à jour à faire. Puis là, si tu ne checkes pas ta mise à jour de, je sais pas, là, Cut the Rope, mettons, ben la dernière version, c'est iOS 6 uniquement. Est-ce que ça détecte pour dire, bon, vous n'avez pas la bonne version, vous ne pouvez pas le télécharger, il n'y a pas un message d'erreur du genre? Même pas. C'est pas pour télécharger les applications, c'est vrai. Faut que tu ailles vérifier manuellement dans le panneau de l'application, où il détaille, par exemple, la description de l'application. À gauche, en dessous de l'icône, il y a l'auteur, ces choses-là. Puis ensuite, il y a à partir de iOS 5.1, par exemple. Fait qu'il faut vérifier, ouais. C'est vrai que c'est plate. Finalement, rendu là, quand t'as un iPod, par exemple, à 4.1, il fait plus de mise à jour, là, parce qu'ils vont tous être en haut de 5, normalement. Ouais. Voilà. Il n'y a pas moyen de dire arrête de me les montrer, justement, ou t'sais, tu laisses un enfant jouer avec, là, il va aller cliquer, c'est sûr, ça demande le. Ben, et en fait, il y a un moyen, mais ce serait d'aller acheter l'iPhone 5. Ce serait ça, mais. Ah, on nous dit qu'en jailbreak, peut-être, on est capable d'aller monter ça un peu plus haut. Mais encore là, la machine sera peut-être pas assez forte pour qu'on puisse le rouler confortablement. Ouais. Donc, à votre question, Jocelyne, c'est ça? C'était Jocelyne, ça? Oui, j'arrive. Première question de la soirée. On l'a pas toute reçue, par contre... La phrase n'est pas complète. De quoi? De la question? Ouais. L'affiche qu'elle reste à okay. Paris. Ouais, bon. J'aimerais m'acheter un Thunderbolt Display. Bon, j'ai un MacBook Pro Retina 2.6 depuis une semaine. Va chier. Et j'aimerais m'acheter un Thunderbolt Display 27 pouces, mais j'aimerais savoir si le Thunderbolt 27 pouces va afficher ma résolution Retina du MacBook Pro. Bien non, en fait. La résolution du 27 pouces est inférieure à celle de l'écran Retina. En fait, l'écran 27 pouces n'est pas Retina. Apple n'est pas encore capable d'en produire, de produire d'aussi grandes dalles que ça en Retina Display. Donc, tu vas avoir un grand espace de travail, mais tu n'auras pas la qualité d'affichage de ton écran Retina, malheureusement. Non, sur les proches, la résolution, c'est 2560 par 1400, l'écran 27 pouces. 2500, on t'a mal capté. 1560 pixels par 1440 pixels. Et l'écran du Retina, c'est 2800 par 1400, quelque chose comme ça? Ouais, c'est 2000. Je sais, je me rappelle pas par cœur, là, si je m'en vais dans mes préférences, parce que j'ai eu l'écran MacBook Pro Retina. Un petit peu les moniteurs. Dernier ordinateur MacBook Pro Retina qui ont deux ports Thunderbolt sont capables de gérer deux écrans Thunderbolt. Donc, si vous avez ce type d'écran-là et que vous les branchez, soit un en arrière de l'autre ou soit un dans chaque port, c'est ce que je suggère, moi. À ce moment-là, vous allez avoir vos deux écrans. J'ai un client moi, qui est installé comme ça, le chanceux. C'est 2880 par 1800. OK. Donc, quand même un petit peu plus haut, mais ça se rapproche quand même. Ça se ressemble, oui. Densité de pixels, tu sais, même si on donne la résolution, la densité de pixels du Retina est quand même plus impressionnante. Jean-François, tu peux prendre peut-être le nom de Olivier Amiotte et voir avec lui s'il veut soit un code Plex ou un petit, peut-être qu'il l'a Plex, ou s'il veut un petit porte-clés de notre ami Miss Pixel. On va laisser ça à Jean-François dans le chat. Je crois qu'il a décidé que c'était un code pour Plex, mais on va voir avec Olivier. Est-ce qu'on passe à une autre question qu'on a reçue dans ma cantraine? Il y a Daniel Bergeron sur ma cantraine qui nous demande « Pouvez-vous me suggérer une alternative à Simple Comptable? » Ça, c'est la question, hein? Simple Comptable, c'est un produit qui me semble assez populaire et qui n'existe que sur PC, je crois. Il y a des rumeurs comme quoi l'application serait en développement parce que, tu sais, comme la secrétaire est juste plus capable, puis il en passe aux 3 mois, là, ils s'en vont parce que le monde appelle pour dire version Mac. Il y aurait une version. Pas de Simple Comptable, mais une version d'un produit qui serait, bon, pas aussi efficace. La problématique de Simple Comptable, c'est que c'est le logiciel que les comptables utilisent. Fait que si t'as une alternative, t'as juste pas le logiciel que les comptables utilisent, et en leur envoyant, en fait, ce que toi t'as fait, ils vont faire « je suis pas capable de l'ouvrir, donc recommence à zéro ou débrouille-toi avec tes troubles ». Donc, pour l'instant, en fait, il y a quelques façons d'installer Simple Comptable, soit avec une partition Windows sur Bootcamp, soit avec une machine virtuelle dans des logiciels comme Parallel, Virtual... Comment ça s'appelle? VirtualBox. VirtualBox, qui est gratuit. Ou Fusion. Fusion. Fusion, voilà. Mm-hmm. Et si Crossover serait pas capable... C'est ce que je suis en train de regarder. Crossover. Crossover étant un logiciel qui va vous aider à rouler des logiciels Windows sans avoir besoin d'installer Windows dans votre Mac. Donc, il encapsule le logiciel PC et il va comme simuler là, un Windows à l'intérieur. Et d'après la base de données, ça n'a pas été testé, mais je ferai quand même un essai. J'ai vu les lèvres d'Alexis bouger dans la caméra, donc je pense qu'il disait quelque chose. C'est comme si... m'entendez-vous? Oui. Okay. Ouais. Si les API de Windows avaient été rétro-engineerés ou rétro-ingénierisés avaient été mis dans ce logiciel-là, Crossover, notre ami M. Ducharme nous rappelle que ça provient de l'environnement Wine. Donc, ouais. C'est un peu la même chose. Donc, Crossover permettrait de rouler là, des explorateurs, des trucs comme ça. Parce que je veux tester Windows 8. J'ai eu une petite démonstration là, de Maxime Tremblay de l'épée légendaire. Puis j'ai trouvé ça assez intéressant. Je voudrais à essayer, peut-être pas à utiliser tous les jours, mais je voulais voir qu'est-ce qui se passait. Et tu l'as-tu essayé direct avec un écran tactile? Non, pas sur un écran tactile, ni à partir d'un ordinateur. Moi, je veux l'installer sur mon Mac. Et ben, il me faut un CD, mais tout le monde semble télécharger. Là, Windows a mis à la disposition d'un peu tout le monde la mise à jour qui est à 40$. Ça coûte rien. Puis il y a même, si tu installes une vieille version piratée, puis que je sais pas quoi, tu l'actives pas, mais que tu télécharges la version gratuite de Media Center ou je sais pas quoi, ça active ton Windows 8. Là, c'est comme une façon de bypasser puis d'avoir une option légale. Là. C'est un peu bizarre. Et il est impossible de le télécharger. Que tu peux utiliser, il va te dire, il te manque Java, je sais pas quoi, même si ton Java est correct, c'est probablement du ActiveX qui est à l'arrière ou quelque chose comme ça. Puis, il n'y a vraiment pas moyen de le télécharger. Donc, j'ai été obligé de soudoyer, en fait, le gars des relations publiques de Microsoft. Je devrais être capable de mettre la main sur une copie bientôt, mais je vais tester. T'as-tu dit que tu serais chez Macquebec? Oui, j'ai dit, hey, je suis la personne, si tu réussis à me convaincre moi, ça va être bon. T'sais. Fait que, mais on va faire l'essai, c'est pour moi. Ça risque d'être intéressant. Il y a beaucoup de gens qui sont pas contents de Windows 8 parce que le paradigme change énormément. Mais des compagnies sont dans l'obligation de prendre ce genre de risque-là. Apple le fait en changeant avec OS X, en changeant du processeur PowerPC au processeur Intel. Donc, moi, je trouve que c'est intéressant. Ça montre, en fait, un désir de la part de Microsoft de vouloir changer. Donc, oui, parce que c'est toujours ça, hein? Il y a toujours un peu trop de changements, puis les personnes ont de la misère à s'habituer. Puis dès que des personnes, tu sais, s'il y a 1% de la population qui a de la misère à s'habituer, je veux dire, il y a beaucoup de monde qui ont des PC, là. Fait que, à 1%, ils sont plusieurs centaines de milliers, là. Sinon, ben, plusieurs millions, là. Fait que, il y a beaucoup qui chialent quand même, là. Moi, je l'ai essayé. Écran tactile, c'est vraiment plaisant, là. J'aime ça. Taper sur du texte, je serais prêt peut-être pas, là, mais je l'ai pas essayé, fait que. Sur une surface que tu l'as essayé? Oui. Ah, cool. Excellent. On passe à une autre question. Vas-y. D'après vous, quel est le best VMware Fusion 5 ou bien Parallels Desktop 8? C'est un peu la même question que qu'est-ce qui est Canon et Nikon, en fait. C'est une bataille de Mac et PC, là. C'est une bataille de toujours. Personnellement, moi, je trouve que le faut remettre à César ce qui appartient à César. Et le premier des logiciels, pas évidemment de machine virtuelle, parce que ça serait VMware, mais le premier à avoir fait un logiciel qui permettait de rouler Windows sur un Mac avant même que Apple décide de mettre ça, de mettre Bootcamp, ça a été Parallel qui a sorti son. Je dois te corriger. Quoi? Il y avait Virtual PC qui a été racheté par. C'était de Connectix qui a été racheté par Microsoft. Mais ce n'est pas de la virtualisation, c'est de l'émulation. Oui, c'est vrai, c'est un émulateur. Émulateur, ce qui fait. Émulateur, oui, effectivement. Tu roulais ton Windows à. C'était pour faire apparaître un logo de Windows, mais c'était pas utilisable à toute fin pratique, alors que les solutions de Parallels et VMware le sont. Moi, ce que j'aime bien, Parallels est fourni avec une pléiade de logiciels qui servent à facilement, en fait, changer, créer tes machines virtuelles, changer de l'une à l'autre. Les paramètres sont bien faits. S'il est bien configuré, il devrait bien rouler. Et ça vient, si je me trompe pas, avec une licence de Kaspersky, qui est un, tu sais, qui protège ton Windows, là, parce que ça pourrait infecter. Je pense qu'il vient à un prix. Tu peux avoir Kaspersky à 30$, mais c'est un rabais que tu as. OK, c'est un rabais. Je pense que moi, j'ai Parallels, puis j'ai pas eu. Non. Non. Mais c'est peut-être, il y a peut-être une version comme Deluxe, un petit peu plus chère. Et, ben, en fait. Mais tu l'as laissé. Attends, je vais aller voir. Tu l'as laissé, mais après, ils te disent, ta belle petite fenêtre pop-up qui t'apparaît, puis ils te disent, si tu veux avoir la version, ça te coûte, genre 30$, là. Ouais. Pas disponible dans des bundles, alors que VMware, habituellement, bon, c'est autour de 80$. Les deux logiciels, mais et ça va être pour faire un coup d'os à notre commanditaire. Ils le vendent à la coop informatique de l'UQAM pour $49.99 et c'est les jours version en boîte. Donc voilà, si vous en avez vraiment besoin, peut-être aller faire un petit coucou à la coop, leur dire que c'est nous qui vous envoient et à ce moment-là, allez vous le procurer là-bas à quand même. 30$ de rabais, c'est intéressant. Moi, j'utilise personnellement Parallels. Vincent aussi, il dit ça sur le chat. Il utilise, utilise Parallels. Moi, ça fait plusieurs années que j'ai acheté le produit, mais je l'upgrade à chaque fois. J'ai profité d'un bundle, en fait, pour avoir la première version complète. Puis après ça, ben, on fonctionne avec des upgrades. Mais Fusion, je ne l'ai pas vraiment testé, mais j'ai regardé beaucoup d'articles là-dessus. Puis on dirait qu'ils sont toujours comme un petit peu à la traîne à chaque fois. C'est pas un mauvais produit, il y a ses forces et ses faiblesses. Mais on dirait qu'il est toujours un petit peu à la traîne en arrière de Parallels. C'est une impression que j'ai quand je regardais les articles un peu partout sur le net. Michel Boily nous dit que dans VMware, il y a une licence de 1 an de McAfee et c'est une raison suffisante pour utiliser Parallels, selon moi. C'est-à-dire que McAfee, là, deux choses. Là, l'année passée, il n'y a pas eu un méga bug, là, une mise à jour qui a comme... Il parle de VMware, il parle pas de Parallels. Dans VMware, il y a une licence de 1 an qui est l'antivirus. Donc, si Parallels fournit... Non, c'est une blague, Bernard. Moi, selon moi, McAfee, c'est de la grosse merde. Tu mets pas ça sur ton ordinateur. Donc, non, ça, je sais. T'achètes Parallels parce que c'est un bon antivirus, puis Parallels fait la job. Écoute, McAfee, le gars qui a parti l'entreprise, il est recherché pour le meurtre de sa femme, là, tu sais. Oui, touche pas à ça. Mais il y en a un meilleur encore, c'est MacKeeper, je pense. On le voit partout dans toutes les publicités, partout. Publicité qui s'affiche, puis si un jour il y en a sur Mac Québec, là, on va shutdowner le site. Mais MacKeeper, là, c'est pas un logiciel à installer. C'est une question qu'on nous pose de temps en temps, là, fait qu'on le répète. Là, ne touchez pas à MacKeeper. L'espèce de robot là, qui a l'air super cool et tout. Là. Ah ouais, ouais. L'âge du logiciel est relativement bien fait, mais c'est de la... Moi, un logiciel qui est publicisé partout, là, puis vraiment trop, là, j'ai des doutes. Des pop-up, puis j'avais essayé, avant d'effacer toute ma machine, je l'avais installé, puis il n'y avait aucune icône qui apparaissait sur mon ordinateur une fois que c'était installé. Fait qu'il était installé caché à quelque part. Finalement, j'avais tout effacé, fait que j'ai pas plus fouillé, mais il n'y avait aucune application dans mon dossier application ou quand je cherchais sur Spotlight, il n'y avait pas de fichier qui répondait à MacKeeper. Fait que... Parfait. Donc, la question de Danick Tremblay, lui, mérite en fait... Jean-François va prendre contact avec toi. Il va voir si tu veux... un petit porte-clés Pixel Art de Miss Pixels ou une licence de Plex pour iOS. On passe à la prochaine question. Si je retire un disque dur d'un MacBook et que je le branche en USB sur un PC en utilisant un logiciel comme MacDrive, où est-ce que je peux trouver le répertoire de photos, ceux qu'on voit dans eFoto? Je ne trouve pas le répertoire Home Pictures. Donc, le chemin. C'est la racine du disque dur. Vous devriez avoir 4 dossiers. Donc, le premier dossier serait application, bibliothèque, système, utilisateur. On va rentrer dans utilisateur et ensuite de ça, vous allez rentrer dans le disque, dans le concerné par la récupération de données. Dans cet utilisateur-là, le fichier, vous ne le verrez pas petite maison, là, ça va être un dossier normal. Mais quand il est branché sur un ordinateur, c'est puis qu'on est logué dedans, c'est une icône de petite maison. Donc, vous allez rentrer là-dedans et dans ce dossier-là, vous allez avoir un dossier qui s'appelle « Picture ». Dans le dossier « Picture », vous devriez avoir un dossier qui s'appelle « eFoto Library ». S'il n'est pas là, vous êtes fourré. Vous ne pouvez pas vous rendre plus loin. Et là, ce qui se passe, je ne sais pas comment ça réagirait parce que on parle d'une partition HFS+, qui est détectée à cause du pilote MacDrive sur un PC. Sur un Mac, on a une fonctionnalité qui nous permet de voir les paquets. La librairie photo est mise dans une sorte d'emballage, justement pour éviter que monsieur et madame tout le monde cliquent dessus deux fois et puissent rentrer dedans. Donc, je ne sais pas comment vous allez pouvoir rentrer dedans, vu que c'est une fonctionnalité qui n'existe pas à proprement parler. Je suis comme un peu mal pris. Moi, j'essaierais de plus de plugger ça sur un autre Mac parce que sinon, ça risque d'être impossible d'aller... Et au moins, rendu jusque-là, vous pourriez copier la bibliothèque eFoto, la prendre et la mettre ailleurs. Maintenant, c'est un fichier unique. Ça l'a changé par rapport à au début de iPhoto. On avait tout accès à nos photos directement, mais maintenant, c'est un fichier, un gros fichier library. En fait, oui, c'est ça. C'est un, je sais pas, il doit avoir un nom pour ça, là, mais les applications sont faites de la même manière sur Apple. Tu sais, faut que tu cliques avec le bouton droit et que tu fasses montrez-moi le paquet. Donc, show me package. À ce moment-là, on est capable, on rentre dans ce dossier-là. Mais c'est vraiment pour éviter qu'on double-clique dessus puis qu'on aille briser en fait, toute la base de données et le fragile écosystème des fichiers XML, des fichiers plist qu'il y a là-dedans. Donc, j'ai jamais fait l'expérience. C'est en fait là que tu te dirigerais pour aller chercher le truc. Donc, c'est bien user. Pour sur les photos là, directement, quand tu ouvres dans le paquet, tu as un dossier qui s'appelle Master, puis ça c'est classé par date, donc 2012, ensuite tu vois tes mois, le 8, le 9, le 10, le 11 pour moi. Tu continues à descendre les jours, puis ensuite, quoi? Tu peux pas faire show package sur un PC? Non, c'est ça. Non, il faut que tu sois sur un Mac comme tu l'as dit au départ. C'est ça. Donc, monsieur Éric Paquin d'Ordigénie, il y a beaucoup de questions sur le Mac. Moi, je m'en procurerais un petit Mac Mini que je laisserais dans la boutique pour toutes ces questions-là. Je pense qu'il est dans le coin de Drummondville ou Boucherville, Ordigénie, puis il n'y a pas beaucoup de Apple Store dans ce coin-là. Sorel, donc il n'y a pas beaucoup de Apple Store dans ce coin-là. Donc, il pourrait s'afficher comme le mini Apple Store de la place. C'était une question de Éric Paquin. Autre question. Ah, tout le monde veut le savoir. Savez-vous la sortie de iTunes 11? Vous l'avez pas téléchargé? Je sais pas, mais j'ai hâte en maudit qu'il sorte. Tiens, on a un quatrième qui vient de se joindre. J'avais juste ça à dire. Au revoir. C'est une espèce de phrase. Tabarouette. Oui, ben en fait, je pense que Apple, en fait, il y a une grosse rumeur la semaine passée comme quoi Apple allait retarder la sortie des iMac. Et cette semaine, Apple a cru bon sortir un communiqué de presse qui disait non, les iMac seront mis en vente comme prévu avant la fin novembre, c'est-à-dire le 30. Maintenant, on sait aussi que iTunes était censé sortir le mois passé. Ils ont déjà retardé la sortie. Ils ont dit on le sort en novembre. Donc, j'imagine que la sortie devrait se faire un peu en même temps que le iMac. Donc, ça va être une pas pire journée pour Apple. Mais tant qu'on est, on s'est pas réveillé samedi matin et qu'on n'est pas rendu le 1er décembre, Apple n'a pas communiqué. Donc, j'ai encore l'impression qu'ils vont être capables de le livrer. Maintenant, moi, je suis un des téméraires qui va le télécharger à la seconde où est-ce qu'ils vont le sortir. Mais on parle d'une réécriture complète du logiciel. Vincent, parle-nous d'une réécriture complète de logiciel si c'est aussi stable que la version qu'on aurait en ce moment. Si c'est vraiment build from scratch, non build from trash, vraiment repartir à zéro, oublier le vieux code, puis recommencer, oui, ça va être beaucoup plus rapide. Maintenant, on a vu ça souvent du côté de Microsoft dans le vieux temps, puis moi, mon vieux temps, c'est Windows 2000, où il y avait beaucoup de choses qui étaient built from scratch, mais qui étaient quand même très lents. Fait que si c'est du vrai build from scratch, là, si c'est vraiment recommencer à zéro, ils l'ont rebâti, il a l'air beau. Ça devrait être plus vite, j'espère. Puis j'espère que ça va sortir sur Windows aussi, là. Parce que Windows, c'est encore pire. iTunes sur Windows, là, c'est horrible. Fait que pour ceux qui utilisent, par exemple, l'iPhone, mais qui ont Windows, espérons pour vous que la vie s'améliore. On croit les doigts, mais pas tant que ça. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc, il y aurait une question qu'on avait reçue aussi de Jean-Claude Lemieux. C'est mon problème. s'ouvre iPhoto, il m'affiche ce message. La photothèque iPhoto est soit verrouillée, soit sur un disque verrouillé, ou bien vous ne disposez pas des autorisations nécessaires pour y apporter des modifications. iPhoto peut essayer de réparer les autorisations. Le problème est qu'il ne me faisait pas cela avant, mais depuis quelques jours, il m'apparaît ce message. Et blablabla, il y a plein d'autres. Donc, problème de permission? J'ai bien l'impression, moi, que ce serait effectivement un problème de permission. En fait, il faudrait aller... Tu l'expliques un petit peu? Ben, il faudrait aller dans l'utilitaire disque. On va y aller ensemble. Utilitaire disque, puis il y en a deux boutons. Je pense que c'est analyser les réparations et réparer les permissions. Oui, ben, il faut sélectionner le disque en premier, le disque où est le système d'exploitation en premier, à gauche, dans la fenêtre de gauche. Et effectivement, de vérifier, il y a un bouton « Vérifier les permissions du disque ». Puis après, ben, il y a « Réparer les permissions du disque ». Parce qu'il y a toujours des réparations à quelque part à faire. Il ne faut pas se tromper là, quand vous avez à gauche, il y a le disque dur que vous voyez en plus gros avec la capacité, puis en dessous, vous avez le vrai disque dur avec son nom. Moi, c'est Macintosh HD. Puis là, vous pouvez sélectionner vérifier les permissions ou réparer les permissions. Parce que sinon, si vous sélectionnez la première étape, vous verrez pas. Vous allez voir en fait les mots, mais ils vont être cachés. Là, ils vont être, Et les boutons sont grisés, donc on ne peut pas les sélectionner. Donc, il faut vraiment prendre le disque dur. Comme tu dis, soit Macintosh HD ou l'autre nom que vous l'avez renommé, et de réparer les permissions. Sinon, est-ce qu'il y avait une autre solution? Parce que des fois, c'est des fichiers qui sont corrompus aussi. Oui, puis il faudrait savoir s'il a joué avec sa bibliothèque ou s'il l'a déplacé puis il l'a rapporté. Où il l'a déplacé. À moins que ça soit arrivé... Il ouvre toujours iTunes, puis iPhoto, puis là, il essaie d'ouvrir iPhoto, puis il y avait un problème avec sa bibliothèque sans qu'il l'ait vraiment touché. Peut-être c'est une photo qu'il a importée qui était corrompue à la base, là. Ça se pourrait. Il y avait des personnes qui importaient une photo. Des fois, on voit ça, la photo, on la voit à moitié, puis le reste est corrompu. Là. La lecture du reste de la photo ne se fait pas, puis on vient de sauter. OK, bon, parfait. Donc c'est ça, la photo, des fois, elle peut couper au milieu, puis c'est corrompu. Ça l'arrivait, je pense que j'avais vu ça justement il y a 2 ans environ. J'avais pas entendu ce problème-là après, ça se peut que ça soit ça. Vérifiez aussi la version de iPhoto. Des fois, c'est la version de la bibliothèque de photos avec iPhoto. Donc, si vous avez une bibliothèque, par exemple, plus récente que l'iPhoto actuel, ça fonctionnera pas du tout, là, donc... L'autre solution, ben, si vous avez une time machine, vous avez fait vos backups, peut-être de revenir à une version antérieure au problème. Donc, disons que c'est lundi que vous avez commencé à avoir des problèmes, peut-être d'aller chercher une version précédente lundi. Ou bien, il y a Patrick Duchamp dans le chat qui dit de redémarrer avec la touche magique. J'imagine que la touche magique, c'est la touche option. Oui. Donc, redémarrer iPhoto avec la touche option enfoncée. La touche option va faire que tu peux créer une nouvelle bibliothèque et tout ça. Série touche pour ouvrir iPhoto. Si je me trompe pas, ben tu fais les 4. Non, les 4, ça marche pas. Tu fais CTRL-ALT-COMMANDE. Non, ça marche pas. CTRL-ALT-SHIFT. Oui, CTRL-ALT-SHIFT. Je viens de planter mon furteur. Non, c'est ça. OK. On m'entend toujours? Oui. Okay. Donc, CTRL-ALT-SHIFT va ouvrir iPhoto avec ce qu'on appelle le Photo Library First Aid. Et à ce moment-là, on va avoir 4 options. Donc, réparer les permissions, reconstruire les thumbnails, réparer la base de données ou reconstruire la base de données. C'est quelque chose que vous pouvez décider de faire simplement parce que ça créerait un espèce de nettoyage de tous ces fichiers-là, puis vous trouvez en fait que iPhoto nécessiterait une espèce de nettoyage. Parfait. Je vais terminer le show, messieurs. Je vais m'occuper de notre autre convoi. dans quelques minutes dans le podcast Mac Québec. Donc, vous pouvez, je vous laisse terminer ça. Et puis, pour ma part, on vous revient avec Denis Talbot dans quelques minutes. Parfait. Bien, c'est ce qui complète cette autre édition de l'émission Les amateurs de Mac. Bonsoir. Donc, merci à Alexis qui vient de quitter, mais aussi également à Vincent Miller. Oui. Et Jean-François également qui était en arrière là, pour nous gérer le tout. Puis pour envoyer les codes à tout le monde. Exact. Et Jean-François vient de nous faire afficher, bien sûr, bien fait pour nous le rappeler, qu'on peut être rejoint par Twitter. Alors, toi, Vincent, ça serait à quel endroit? Tu peux me retrouver sur Twitter à DEVVMiller. Donc, c'est pas un W, c'est deux V collés ensemble. Et également via mon site web vmiller.ca qui risque de bientôt changer. Puis, je continue. Je répète, l'application MQ Mobile, là, vous allez entendre bientôt parler de ça. Là, on fait une refonte majeure. Donc, assez content hier là, quand j'ai donné un résultat. Là, en tout cas, j'étais content du résultat, c'est ça. D'accord, parfait. Alors, nouvelle version du Mac Québec Mobile, la MQ Mobile, pour bientôt. On a-tu une date? Non, on n'a pas de date. Moi, je suis pas bon des échéanciers, Bernard. Le forum, là, dit. OK, alors... le forum, c'est Marc-Antoine. C'est Marc-Antoine, c'est vrai. Alors, il y a aussi Alexis, que vous pouvez rejoindre par Twitter avec @AlexCornelier. Également Jean-François Roy à @JFRoy1979. Et moi, ben, vous pouvez me rejoindre sur @Cybernard, toujours sur Twitter. Sur ça, ben, on vous remercie d'avoir été là, tout le monde. On vous souhaite une bonne fin de soirée. Les gens qui veulent assister à l'enregistrement du podcast Mac Québec, patientez quelques minutes. On va être de retour très bientôt sur Spreecast toujours pour débuter l'enregistrement du podcast Mac Québec de cette semaine avec notre invité Denis Talbot. À tout de suite pour les gens qui se joignent au podcast et à bientôt pour les gens qui étaient sur les amateurs de Mac. Bonsoir. Salut.